juroom ñaar waxtu tegal ñaar fukk minute ak juroom ñeent gulum becc dëkk Bayt Ndaw waxtu waxtu ma jot wurum néré ak anam tojal xabar su ci Radio Sénégal. Assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci al machine bi Ahmadou Ndiaye fi ci micro bi Njaga Diop xabar yi jappelen li ci gëna fess nala ni fexé ba rek dal di gëna mëna dalal nak ñi faju ci fofu ko ci hôpital général Grand dem nañu ko doon waxtane rek ci ben dajje bo xamne rek ñi nga xamne ñu yoré kër gogu di ko hôpital bi ak tamit dal ñi ngi ci walu nak li nga xamne moy patch sociologue ak manager de la santé ñu doon waxtane lool dañ ci wax tigen ak ko diñ man fa téwalon campagne bi ni nak pingé ni nga xamne ñu jurgi ñu door ko nak ci li nga xamne moy commune bu Fandène lu mat fukki jinné ak ñent ci ay nak dal jur go xamne war leen ñak rek ngir nak faj leen wala fek leen ci yenn février lool nak ay bis la wara nak duré mu wara nak falir nit ñu xamne ñu ci walu lool nak ñuy jox yoré loolu dañ ñu wax tigen ci lool ak Aminta Dieye ci nak ñak gogu sax ñi jappalé rek moy nak wa ONG FR di jappalé inspection départementale bu nak walu élevage fofu j'ai amik bu mexé ñom nak ci nak ak mewan ñom nak ñu nak nek ci aéro solaire manam nak li nga xamné dañuy nak jëfëndiko nak dal courant bo xamné dañ ko jël ci jant bi jigen ñi nek ci groupement yi nak jotté matériel bo xamné rek dal day yëng ci li nga xamné moy ciolol lu jant bi dañu wat yeen ci lolu ak xadi yu mu fa téwalon ba rek ci xawaat dañu wat yeen ci nak mbiru nak foar bi ak ñen fa téwal wax nak ci etu yene kay li nga fassane ci Basil Gane la ta lolu ñuy dalal nak ki nga xamné moy Cheikh Tidiane Dieye moy directeur exécutif bu Centre Africain pour le Commerce et l'International et le Développement mo wax nak dal wala mu doon def ben conférence demb doon wax nak ci accord de partenariat économique yi nga xamné ni lolu nak war na mëna nak dal ngañ wala war na mëna indi nak jeex lu baax ci Afrique lolu do waxtane dañ ci wax yeen waxtane Cheikh ak Khadi Fallou bokki kon nak da len jam xabar bi ci Radio Sénégal nan la ni fexé nak ba gëna mëna dalal ñi nga xamné ñoy faju fofu kon ci hôpital général Grand Yoff loolu nak ñu ko doon waxtane demb rek ci ben ndaje bo xamné rek ñi sékk mbir mi ñoo fa téwon ki nak tamit di na ko di jante won fa akay base bi ñëk ci système de soins ci établissement de santé yi doonul batay ci anam bu muccu ayip ci bërebu fajukaay yi doon lu bëré lu askan wi di gëna jambaat ci bërebu fajukaay yi jafé bi nak jëm ci lu ëpp ci ñak formation bu doy ci liggéey kat yi waye tamit ñak ay infrastructure jafé yi am ci walu akay bi bari na ci likoy indi réro yi am ci digënté way fajukaat yi ak it ñi nekk ci bërebu fajukaay yi sociologue bi di professeur Djibi Diakhaté mom mo doonon panéliste bi préjugé yi mom moy ñi nga ni dañuy ñëw hôpital dañuy ñëw ak duñu japp ci seen bop ni wa hôpital dañoo soxor bo démé duñu la déglu dañ lay janni ak yu démé non lolu boko indalé rek bo ñëwé da ngay indalé ben xadar mais ki lay dalal tamit bu féké ni bon maladie ñom xamuñu luñu bëgg dañoo fokk ni ñom rek ñom ñoo fi fièvre seen bëgg rek lañu gis kenn mënu leena topato donc lolu day indi baña dégo mu xalaat né jotna sëkk ñu jël ay matuway yu mucc ayib ngir rek indi yokuté bu baaxa baax ci lu jëm ci walu akay ci bërebu fajukaay yi hôpital bi ci bopam war na nek cadre bu baax ak ay machine yu baax service yu nga xamni ñi ngi dox yoyu bu fekke ni am nañu yaakar nañu akay bi bax ki nga xamni day liggéey ci otata ñu formé ko tagat ko ki nga xamni mom lañuy dalal tamit mu warul ñew ak ay xel ñaar ngir indi yokuté bu baaxa baax ci lu jëm ci walu akay hôpital général de Grand Yoff dafa développer ben approche clientèle lolu mo leen jural nak ñu am ay yokuté yu bari ci walu akay Moussa Samdaf mo moy directeur hôpital général bu Grand Yoff bokku na ci d'abord formation agent amul chef de service amul agent d'accueil ñep tek nañu un bureau des usagers ba bép malat bo xamné amati nga lu la nakari ci biir hôpital nga dem ci bureau bobu wax li nga xamné mom mo la nakari pour ñu jappalé la mën la ko fajal ci anam yu mu gëna gawé fexé ba fiñu dalalé gan set condition yi mu nekk ay condition yu mucc ay panel bi ñu organiser ngir waxtané jafé yi ñu am ci walu akay bi occasion la woon ci bërebu fajukaay bi mu rek jox ay lidiasa lu tolloku témé rek ñen fukk ci ay agent wam ñu tagat leen ci anam bi gën ngir rek ñu gëna mëna accueillir malat ya fay ñew kodu jaagne ñu wax nak ci campagne bi nga xamne door nañ ko ngir ñak nak wala ping jur gi rek ngir fegg leen ci en février ci nak commune bu Fandène fukki jooni ak ñent ci nak ay nak jur go xamne war leen nak dal fek ki nga xamne moy yene février yo xamne da fay law mu wara nak dal durer lu man ben ay bes lool nak ñi ko wara def sax tol ci fanéri auxiliaire vaccinateur inspection départementale élevage bi ci nak ñi jappelé moy ONG IFER Aminta Dieye ministère bi yor walu cham gi bëgg sukkandiku ci ñak jur gi ngir rek mën leena at ci jangoro yi nga xamne mom mo leen di faral di faga gar rawat dina jangoro ciar lool nak taxna ba département bu Thiès atum ren ci commune bu Fandène mom mo dalal campagne de vaccination bi nga xamne dañ ko jaglel jur gi liñ ci japp rek mom mo di fukki jooni ak ñeen ñom lañu fasiyene ñak ci li nga xamne mom mo di jur gi ci biir département bu Thiès ñu deglu ci madame Awa Sakh ba nek chef service départemental bu élevage bu Thiès febar yi nga xamne nak mom lañu di ñak ñent la muy ciaru fassi ak ciaru jur gu sew bi moy xari ak beuy ak putte bi nga xamanteni moy japp nagi ak tarar xamne moy dal ginaari am nak aussi yeneen ñak yo xamne dañ koy def ci cadre campagne bi mais koku ci sam bi la dépendre ONG IFR nak duggal lox mbax ba ci li nga xamne mom modi campagne de vaccination bi nga xamne dañ ko jaglel jur gi ci commune bu Fandène ak li nga xamne nak mom la jappalé département bi mom modi ni tagat leen tolok fanwéru ay relais yo xamne ñom ñoo fassiyene ñak jur gi nga xamne ci diru une semaine lañ ko fassiyene amal ñu deglu ci Cheikh Ndiaye nek ki yor programme élevage ci ONG IFR international IFR nak day ñew pour former parce que dañ né développement aussi développement à la base ñu fi nek amul ci dëkk bi lañ dëkk ñu jël leen former leen pour ñu mëna di def vaccination parce que lool day bok ci durabilité ngir li nga xamne tane mom lañu mbébét ci ñak yoy ñu mëna ko am manam fexé ba lu ëpp ci jur gi wala lepp sax ñu dal di leena ñak kilifa yi nga xamne ñom ñoo nek ci gox goxani nek ci Fandène ñom ñi ngi ñaax ñi nga xamne ñom ñoy yar jur ngir ñu indi seen jur yi ci bërepp bi nga xamne fofu lañu tan ngir ñaké leen fofu te mu nek ci gox ko Touba Peku ki doon jokk ken ci diwanu Thiès-Saint-Amand Tidiane pour RT Aminte Dié ci région Thiès lañu dess ba légui ndax tay GIE amique bu mexé ak méwan ñom lañu kondiku légui ci nak jant bi muy air du solaire jigen yi nek ci groupement yi nak jonne matériel bo xam nak dal da fay nak fonctionner nak ci ndimbalu li nga xam moy air solaire ñom nak dal kiko defar moy Abdoulaye Touré ab gestukat ñu jumtu kay nak do wara nak dal wital jigen yi xadiou kit solaire armoire électrique ak tamit batterie solaire di ay xétu matériel yu mucc ayib yo xamné rek énergie solaire lay doxé lañu djébal nak jigéen yi nga xamné nek ci Mekki ak ci Mewan ñu joggé nak ci ñaari groupement d'intérêt économique jigéen yoy nak dinañ mëna wëyel seen liggéey buñu sukkandiko rek ci cadre docteur Magui Touadé mom moy maire commune bu Mekki limu indi ci comme moy jigéen ñi dina gëna diissel seen poste ndax wërseug yu ndaw yu fa dina gëna yokku wayé xalé yi dañu am fu ñu jàngé dañu am ay doxalin yo xamni dañu ko mëna doxal ak seen morom jigen ñu gëna amante aussi waye nak dañ leen positionner fo xamne tam yaakar na ni fi ak ay temps yu tuti wa Senegal dañu leen naw waye aussi wa Afrique ñu leen naw ci ñiapandalu Abdoulaye Touré di app gestu kat ci ministère bi nga xamne rek lañu denk lepp lu soxol walu njangalé mu kawé mi lay jigen yoy nak mëna daldi jot ci xéetu matériel gi ni mel Abdoulaye Touré xatoone ba nga non dac ci rot bi nga xamni nga mëna bayyi lolu dem def leneen fi nga doon wuté bayyi ko fa dem wuti leneen bu guddé nga am jamm jo xamni sini di nga mëna am jamm pour noppul nelaw bo yewu amat forme bo liggéey xam nga lolu xex ndol fofu la joggé ci Mekki ak ci Mewan jigen ya fa yewo nak nenañ dinañ amal nak ay liggéey yu yes yo xamné da fay tax seen ko daldi sukkaliku mu nekkon xadiyum fi ci diwanu Thiès RTS jeureujeuf xadiyum ina quoi muy nak mbotaay nak commerçant ak industriel Sénégal ñum nak bëgg nak duggal seen nak wal rek ci tabax na économie bu am doole fi ci Sénégal organisation bo nga xamné fa muy commerçant ak bëgg jappalé nak dal petite moyen entreprise yi ñom sax nak ñu do amal dem ben ndaje bo xamne ci waxtaan rek ci lo golu nañ def rek dal ba nak def ben kom bo xamne kom bu deugal fi ci Senegal mam soxna budgeté won na fa ngir sukkali petite ak moyenne entreprise yi dañu waxa jaar ci ben programme d'appui bu baax lool mo tax une aqua japo xalat ni Senegal dafa waxa am ben programme bu précis ci loolu Ousmane Sy Ndiaye di secrétaire permanent bu une aqua japo wax ni Senegal dafa wara baye xel ni komam du meuna sukkaliku sans petite ak moyenne entreprise yi mu yokku sini dañu wala jeur yi tek len ci centre politique développement pour mu nek moteur d'emploi ak croissance wa une aqua mom dañ japp ni rew wi sen ko sukkaliku PME mo nek puissance productrice d'innovation nguru Senegal xam lolu ba tax mu tek ben dispositif de soutien pour jappalé petite ak moyenne entreprise yoyu ndaje bobu nak ragné won nañ ci téwayu jorine buñu dik walu ñënd ak ñay mu yor walu secteur informel ak PME yi wayé nak dajala won na acteur yi yëngu ci walu secteur bobu lé ngir ñu andi tontu ci jafé jafé yi secteur bi di jankontel war international bu Dakaru ñaar fukel yoon bek ñet liko dalé fukki fan ak juroom ñet japp ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru décembre atum 2014 journal parlé bu radio sénégal fasiyene len ko dundal fofé ci CICES ren foar bi di magal ñen fukki atu liggéey bim def ci walu kom ak ñongal jënd mi ak jaay mi kiñ ci dalal ren di invité d'honneur bi di Nigeria rew mu ken na tablé wul dolem ci Afrique lepp ci ñaar fukki lu foar bek ñett fukki fan ak juroom ñett ci wéru décembre lay tambali jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci radio sénégal milénara togal CICES bokki ci nak xibaaru foor bi juroom benel fan bo ak lay mu ubbe ñaar fukk ñettal édition bi nak mu melni dal mbir yaangi fay dox bu baaxa baax jaaykat yi ak ñi nga xam ñoy yore foor ak ñi nga xam ñu fay dem di nak nemeku ji ñoo ñep rek ku ci ne dal yaangi sant yalla Khalifa Koulibaly dajena ak ñen ci ñoom foor bi niñ ko gisee nak pour le moment intéressant na en même temps aussi organisation bi amna benen mbir bi ci am moy peut-être amna ay touti casse yu nit ñi di casse mais bari wul nonu mais ku nekk yaangi ci activité yaangi liggey kon gis nañu ku nekk am nga ci lo nekk lolu moy affaire bi moy ñeriñ bi quoi xeyna dañuy xaar ba ci kanam ñu xol ni peut-être affaireu client yi mom am nañ ay client mi ngi ñew bon peut-être dañuy gëna ñaax nit ñi rek ñu gëna gor gorlu ci vigilance bi ak liggey bi quoi parce que comme liggey bi tambali na ñu liggey rek waaw nata nga gis fa bi bé sant yalla parce que en fait ma ngi xol di xol affaire intéressant quand même mais surtout yo xamné pour suma jabol bi saw bima andal ni quoi waaw pour les encourager aussi quoi tax bo gisé lu bax di ngi ci profito jëndal xalé yi cadeau lolo gën tax ma joggé suma kër ñew ba fi xalé yi ñom la bëgg bégal mais pas pour man ma ngal di passer dal ni quoi c'est le début dañu ñew visiter après ñu repérer lu ñu wara jënd bon bien sûr jëndal len waaw avanta merci Khalifa Koulibaly dajé ak ñen ñoo xamni fofu ci foor ba ni liggé ak ñoo xam tamit dañu ñëw rek ngir sét ci walu ñu jënd ci ba tay rek ci foor ba nak amna ko wa jo xamni dal ko ku doy war ko xamni mom dal liko taxaju moy nek Sénégal sét wécc muy Doudou Fall nim solo nak mo jaaxal ñepp fofu ci foor ba ki di Abdiallo nak dajé nak mom Modou Fall président de l'association Sénégal Propre service militaire la nekkon tay mu nek marchand ambulant ñu gën ko xamé ci xex mbalit rawatina ci sachet en plastique manam bous mu ci waslu akam ci bép barab bo xamné nit ñi dañ fay faral di dajé fu melni fi ci Fidac ba liggéey bu ñuy def ci foar bi moy nettoyer ramasser sac plastique sensibiliser nit ñi ci dessé plastique bi manam lu muy def ngiraar sunu dekk way nak mom ak kurelam gi di Sénégal Propre dañuy ñaax askan wi ñi jëfëndiko kayit baye mbuus nga xamné lu muy yaq dafa bari bu kenn utiliser sachet en plastique amna ay sac papier biodégradable yo xamanteni mi ngi ci marché bi sen kaddu nak melna ni askan wang koy jeffe gannaaw bañu len ñaaxé wa selen bi nit ki pour nga wax ko conséquences yi nga am mbuusi ñing koy def il faut mu gis lu fess beutep lol motax quoi ñuy solo jël lepp muy plastique rek ñu créer ko mbugu diko sol pour mëna dugg ci bir nit ñi di waxtaan ak ñoom Sénégal Propre nak bëré wut ay jumtu kay yu muy défé liggéey bi lé ba tax muy ñaan état bi ndimbal koku kon di nak Gorbel Jacob bo moñu lap tol nak reportage bu Abi Diallo xibaar bu neex nak ngir wa Casport équipe bu Jigen Sol nak wara bëgg nak dal dem nak def makana wala dal wayam fofu ci Kolda lool nak sax dal mu nek lool nak lu mëna nek ginaaw ba nga xamne nak maire bu Kolda dugul na ci loxom Abdoulaye Bibi Baldé mom nak mu jox équipe fofu nak ben local mandat bar bo xamne nak dañ ko defar ngir ñoo waxam tamit neena dana nak AS Kolda way AS Kolda mu club région bo xamne nak bi ko taxaju juk rek moy nek ci élite bi maire bu Kolda Abdoulaye Bibi Diallo ci micro Malice Sissoko équipe Casa Sport do équipe Jigen Sol rek équipe Casamance la donc ñun dañuy dañ ci gis suñu bop té suñu fierté la Casamance chaque Casa Sport suy jouer dañ ci contane motax ñu yaakar né kon dañ leen wara accompagner reñ ñu wañi sen prise en charge Kolda parce que jouer Kolda metti na ci ñom ñu dimbalé leen ñu def à leur disposition ben local donc lool lu am solo la té ñun tamit ñu né Casa Sport Kolda gor gor lu na défar nañu ben club de ville motam amona ay 5 clubs à venir ak club yu bari moya rek mo ci bokul regrouper na autour d'une équipe de ville équipe bobu ñu koy jappalé maire bi moy président équipe bi ñaar nañu aussi Casa Sport ñu considérer Kolda comme sen équipe sœur ñu mo ñu op expérience bu accompagner ñu danaka pat mën nañu sa tassé ci éliminatoire coupe du Sénégal lolu ñu koy ñaan sax pour suñu door ñu wala ñun ñu door leen day réconforter rek Casamance voilà donc en tout cas content nañu ñu ngi di encourager initiative yu mel nonu peut-être dañ koy def Sédiou ailleurs comme ñu ay équipe ñu am ay équipe ville yu am doole il faut que ñun ñep ñu bolo ñu accompagner len loolu lañu fassiyene def Kolda ñuy dalal nak sun gan moy tuddu Cheikh Tidiane Dieye moy directeur exécutif bu nak Centre Africain pour le Commerce International et Développement man dal kul go xamne fa tek nak mu top te lepp ñu walu commerce ak jëflante mom nak ti talata ji niki dem am nak ben conférence mu doon def nak ci accord de partenaire économique nga xamne dal war man nek ndariñ wala ngante ci pour Afrique de l'Ouest Khalifa Kul bari waxtan nak ñi ngi ak Cheikh Tidiane Dieye ñi wax rek ci APE ndax lu bax la ndax lu bon la waaw xam nga APE déggo la ci waru commerce jënd ak jaay digënté Afrique sowu jënt ak Union européenne boko waxé nonu rek ci gattal ndax lu bax la wala lu bon la da fay jafé tontu ndax dafa dugënté lu xawa complexe la li ñuy wax manam daf ci am lu bax am ci lo xamni ni lu bon xeyna nak niñ ko japp ñen jangat bi moy pour nga mëna xam li bon ci kan la bon da ngay xol réew yu ku ci kamel ak nga tollu Afrique sowu jent CDAO dafa am fukki rew ak djuroom ci fukki ak djuroom fukki ak ben PMA lañ moy rew yi nga xamni ñu ñak katan lañu ba nga xamni adina bi sax dañuy défé waxtanu commerce OMC danaka téguñu leen fa dara luñuy ki dañ nan ñen bayina ñen parce que amagu leen katan légui mu am ko ci Nigeria régi mom moy rew mi nga xamni ci Afrique yépp moy ki fi ëpp katan ci walu kom kom mom intérêt mënul bok ak intérêt rew yu ndaw yi mom ko xamni tamit Côte d'Ivoire la ak Ghana ñom ay réew yu dëgg doomu lañu pays en développement buñuy exporter Europe difa jaay fuñ job jamono ji ñu nek bu amé APE duñu fay droit de douane dañuy mëna jaay mu yomb ci ñom Europe waye bu amul APE dañuy fay droit de douane ñom loolu motax ñu bëgg APE bi mais Nigeria mom mënu ko bëgg ndax APE bi amul ko ndariñ ndax Nigeria pétrole rek lay exporter Europe te bu défé APE accord bi Europe day ñëw concurrencer ko fi ci marché Afrique sowu jent manam li fi Europe di jaayé ci da yo nga xamné Nigeria doot fi mëna jaay donc lolu du len arranger motax non nga koy xolé amna ñu mu bax ci ñom amna ñu mu bon ci ñom waye bokoy japp ci région bi Afrique sowu jent ci bopam limu ñuy dimbalé rek moy bu amul ku ci nek da ngay def lu la neex suñu intégration day tass manam benno bi nga xamné mom lañ benno dana tass ban jeexital lay am ci Sénégal wa Sénégal xam nga dafa bok ci rew yi mala wax ni moy PMA pays les moins avancés amadou len bu ñakoon dal bu amul Sénégal du ko wañi dara lool moy wax ji légui nak boko défé té pousse ci ñepp ñu xamni yo ya ko bëgg té mujjul soti xeyna di nga dem sax ba am jafé jafé ak yenen rew yi parce que dañuy wok amna sax ñu commencé won nan Sénégal mom la Europe di influencer mom la Europe di utiliser jox ci limu bëgg ci Afrique xam nga yoyep du lo xamni li tamit amna ndariñ dina tax aussi ñu perdre ay droit de douane yo xamni xaaliss bi nga xamni Europe dinañu ko jox xeyna du doy pour mëna ñu dimbalé ci loolu ci xaaliss bobu dañu né juroom benn milliards yi euro la ak lu tek waye ndax loolu doyna ci fukki rew ak juroom dedet loolu doyal ci fukki rew ak juroom boko tassaré ci rew yi ku melni Sénégal projet bi nga xamni mom la joxé mu ngi tollu ci juroomi téméri milliards francs CFA ci li nga xamni ni Sénégal mom ci laaj légui nak Sénégal loolu nga xamni mom la ci laaj bareewul nonu xaaliss bi Europe di joxé boko divisé nga sédélé ko fukki rew yek juroom ku ci nek touti ngay am te ku melni Sénégal lamuy am rek ci liko douane di duggal ci xaaliss danaka mo upp li nga xamne mom lay xaar ci Europe donc bu ko ñakoon itam du téré mu mën ko jëlé fenen def dal accord bo xamne dina la indil jafé jafé ngir yaangi ci xaar xaaliss bo xamne yow mën nga ko amal sa bop lol dal mo xawa tay xel ci li nga xamne mom Sénégal di bëgg doxal docteur Cheikh Tidiane Diop ma jël jaajeufa jërëjëf lu gëna fess ci ëttu yene kay tuyene kay tay nak ki ñu ko xeyna faral la di basiru kan basiru ñun la ñu lay fay jaga job lan mo gëna fess tay ji muy nak li nga xamni ñu ngi koy laaté ministry wala ay kilifa yi nga xam dal nek nañ ci rew mi manam ñu wax sen alal nan la tollu manam li ñi wax déclaration de patrimoine lool nak Macky Sall mi ngi ci artu kon ministre mi ni ngi ko wal fajiri di waxé ñom nak néna ñu siwal li nga xam dal mom moy sen alal gën ga yeex fanwer yu fa nak ben ci wéru décembre bi manam 31 décembre bi kon lool nak mu melni présidente bu Office national de lutte contre la fraude et la corruption Nafi Ngom Keita la ko defal mom nak mu war ko rafetlu ni ko direct info di waxe njitu rew mi sax mom kon dafa daldi wuyu rek li nga xamni mom la doon laaj niñu ko le quotidien di waxe tamit ndax Nafi Ngom Keita lajon na ministre yi ak kilifa yi nga xamni ñom ñoo nek ci gouvernement bi ñu déclarer sen patrimoine Macky Sall daldi ko deugal nak ak gouvernement bi lool nak mu bëgg amal ko lata atum 2015 di ñew mom nak mi ngi ko wax demb ci bis bi nga xamni ñu ko jaglélon institution yi lool nak mom mo jitu rew mi wax fa tamit li nga xam dal mom moy ay deugam ni ñu ko le populaire di waxé mom nak japp na ni ni ko jangé ci xet bu ñëk bu yene kay bi ni dafa am jafé jafé bo xamni am nañ ko fi ci Sénégal moy ni nga xamni non lañu sento wala ni nga xamni gis gis bi nga xamni mom lañu am ci li nga xam rek mom moy alalu mbolo wala lo xamni dal rew mi yépp ko sékk mom nak japp na ni dal ap groupe bu ndaw rek warul jël lepp ak moko lo xamni alalu rew mi la bayyi ñi ci dess président Macky Sall nak waxna tamit lu jëm ci walu opposition bi amna lu ñeël ci ngagne ñu jang ko batay ci le populaire mu ni nak ci ap démocratie mom Macky Sall japp na ni dal li nga xamne mom moy xew ci walu manam waxtan nga xamne lañ waxtan ci walu politique ci assemblée nationale lañ ko wara defé waye du ci mbedd mi wala ci yene kay yi lol nak mu melni kon day tontu libéraux yi ak ñiñu andal niñu ko sama natongo bi di waxé ñom ñi nga xamni nak fan yi yépp ñing koy ngagne ci mbirum Arcelor Mittal ak Petrotim Macky 2012 nak mom di melni kuy indi tontu ci déclaration bu nga xamni nak secrétaire général bu parti socialiste Ousmane Tanordien defon nako di woné rek bëgg bëggu parti bi lool nak japp nañ ni kon ñi nga xamni nak ñom ñoy ali nga xamni ñoyal ñom ñoy jëk fess ali Macky Sall yi kon ñom nak ñi ngi melni rek kuy joxogn parti socialiste buntu bi nga xamni dal fi lañu wara jaar pour génn ñom nak wa Macky 2012 kon ñom niñu ko le quotidien diñu wax ni dal kon mu ñom kon batay rek le populaire kon mo ñuy wax ni dal dañu bëgg socialiste yi wal manam assumer li nga xam rek mom moy li nga xamni wax nañ ko lo xamni jaar manam dal deppawul ak li nga xamni dal mom moy dal lu mëne luñu mëna dégg la wala tamit lo xamni dal luy nirok war lay mel ni nga xamni dal non lañ ko waxé mu melni kon pression bi tambali na niko sambalar bu populaire di waxé waye nak néna du yem rek ci Macky 2012 ndax bo moytul dina am ñenen tamit ño xamni dinañ yëkëti seen cadeau wax ci ñi nga xam rek ñom ñoy socialiste yi ngir bëgg nak ñu genn ci gouvernement bi mu melni nak Mimi Touré bok na ci ñooñu ndax ki nga xam nak mom moy nekkon na fi premier ministre mom nak waxna ci l'observateur ni dal li nga xam ni dal l'observateur diñu wax ni dal mom mi ngi déclarer guerre parti socialiste mom nak Mimi Touré dafa wax rek ci yene kay bi ni Tanor Dieng warul won siwel lo xamni daf ko waxtane won ak ki nga xam mom moy président de la république ci Ndiek mom nak japp na ni mom Mimi Touré ni parti socialiste dafa bëgg daanel président Macky Sall filek ñaari at way nak lan moy li nga xamni rek mom mo waral ba am ño xamni dal dañuy wax lo xamni dafa woro ak li nga xamni mom la Macky Sall wax ni dal siwal ni mom bëgguko manam di ngagn ñi nga xam rek ay alliés lañu wala bëgg ñu genn ci gouvernement bi tonte bi nak sama natango bi ni moy di ni amna kenn ko xamni dal dafa laqatu ci ginnaw di melni dal mom moy def ay femam da nak lol na melna ni lim bëgg lérna ci mbir mi manam fexé rek ba génné parti socialiste ci gouvernement bi waye nak sama natongo bi di wax ni parti socialiste comme mom matna mamati mam APR mu japp rek ni kon dal gisul APR ci meuna dribler ñi nga xamni ñom am nañ xagn xarañ bo xamni am nañ ko ci walu politique jeureu jeuf bass déclaration du patrimoine xana bax na ministre di ko def wax li ñu am ak yoy waaw dina ci baax waaw xana journaliste tamit da war na journaliste comme so ñom mom ru cior ak ñoo ñi wara wax tay ñom lu am ak cior reg na am na bato buy nap ak ay tol ak demé ni ki non ak ñoy jaar yi war no xol nak ñewit lolu defé na ak Abdoulaye Ndiaye tamit deg na mu yorna ap fele ben barab muy dalo fele nga xam dal ap xaaliss bu beul la fa investir bu ñewé nak di dédolu ci sun ko naan di ki yuruma dara Toubacouta wala Toubacouta kon nak lolu yowit war na xol Seigne Macky Sall war na wax ci ñu wax sen déclaration patrimoine ci walu machine ñu andal ci ak Ahmadou Ndiaye ci wan walu bi nak Kamadou Nicolas ci am ci kanam tout ci chaîne nationale Ablaye Ndiaye Djibi Ndiaye Dibor Niane ak Birama Ndiaye xabar ci RSI matin RSI Galou Diouf Dakar FM programme musical bam sa mbokk yeneen ñaan kenn lu jamm